Bonjour amis poissons, on va voir pour vous quel va être le message de l'oracle de Béline pour le mois de mars 2023. Que va vous dire donc l'oracle pour vous? Quel est son conseil? Alors ici, alors ça c'est intéressant parce que vous avez en coupe la carte de la passion et la carte de la raison, de la sagesse, la raison, la chouette de la sagesse. Donc c'est vrai que là, vous allez peut-être être tiraillé entre passion et raison. On va regarder le tirage poisson-poisson mars 2023. Tac-tac, il ne faut pas que je traîne trop pour tirer les cartes. Alors, tiraillement entre passion-raison, pourquoi? Par rapport à quoi? Oui. Ben c'est vrai que moi j'ai l'impression que tout ça c'est financier. On dirait qu'au mois de mars, vous êtes assez très très prudent, très prudente. Vous êtes obligée en tout cas de faire très attention financièrement. Et vous le faites apparemment. Donc ça c'est bien. C'est une bonne chose début mars. Vous êtes très raisonnable et vous voyez, on voit que parce que de toute façon, au niveau des finances, eh bien, il y a un peu de. Bon, alors certains galèrent, d'autres c'est un peu. Évidemment, vous êtes nombreux, hein, les poissons. Pour certains, ce sont des soucis vraiment plus profonds. Pour d'autres, ben, il y a des petits. Voilà, financièrement, c'est pas génial. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a. Pendant une bonne partie de mars, là, début mars, et même jusqu'à la première quinzaine, vous risquez de devoir redoubler d'efforts. Pour économiser, pour surveiller vos comptes, pour ne pas dépenser comme vous l'auriez voulu et peut-être du coup revoir certains projets. Mais ensuite, puisqu'on a vu que vous seriez tiraillé entre passion et raison. Voilà, donc ça c'est bien. En tout cas, le message, il indique bien que vous ne devez pas céder à vos pulsions dépensières si vous en avez et vous avez raison de rester raisonnable puisque. C'est une nécessité. Vous vous protégez en fait au mois de mars. Et ensuite, ce que ça vous dit, c'est que bon, vous allez avoir de bonnes nouvelles par la suite et un nouveau départ financier, peut-être une bonne nouvelle, une nouvelle rentrée ou une aide extérieure qui va régler votre situation. Et donc, à ce moment-là, attendez, j'essaie de vous les montrer. À ce moment-là, c'est vrai que ça va, le message il indique que sachant que les choses vont se débloquer, vous allez pouvoir un peu plus vous frustrer en attendant. Sachez que ça n'est pas pour des mois et des mois et des mois de sécheresse, les choses sont en train de se décanter. Alors encore un petit effort, bon courage pour le mois de mars.